Mon père n'a jamais été là pour moi. Il est parti tout de suite. C'était un coureur, un dragueur. J'ai appris bien après que j'avais des demi-frères et des demi-sœurs. Il était architecte et faisait des allers-retours entre la Belgique et le Rwanda. Et j'ai dû le voir 20 fois dans ma vie. Il est mort pendant le génocide rwandais donc, mais il avait déjà disparu pour moi. Et lors de l'annonce de son décès, je n'ai pas pleuré. Peut-être que je n'étais pas vraiment préparé. Il n'empêche, ce papa qu'on n'a pas vu petit, on ne pourra pas plus tard rattraper le temps perdu avec lui. Papa Outé, c'était la première chanson de notre programme. À l'âge de 11 ans, Paul Van Haver commence à s'intéresser à la musique et il s'inscrit à l'académie musicale de Jette, donc toujours en Belgique, pour prendre des cours de solfège et de batterie. Il commence ses études secondaires, puis sa mère l'envoie dans un internat jésuite. En 2000, il choisit le pseudonyme Ops Maestro pour commencer dans le monde du rap. Il explique dans une interview que l'album Temps mort du rappeur français Booba l'a beaucoup influencé. Son pseudonyme étant similaire à celui d'un autre artiste, il en change et opte tout simplement pour Stromae, qui correspond à Maestro en verlan. Il travaille pendant un an dans une chaîne de restauration rapide afin de financer ses études dans une école de cinéma, puis mène lui-même des études d'ingénieur du son. Il investit son argent pour réaliser son premier opus, un maxi de 4 titres, dont Juste un cerveau, un flow, un fond et un mic. Il collabore avec plusieurs rappeurs. Alors, c'est pas trop de coutume chez nous, puisque le rap, c'est pas trop notre tasse de thé. Mais là, pour illustrer vraiment les débuts de Stromae, on va écouter son tout premier titre que je viens de citer, Juste un cerveau, un flow, un fond et un mic. Et puis, un extrait de Booba, qui l'a beaucoup inspiré. Le titre, c'est Destiné. Hey, y'a l'air, Stromae, sur net, dans les bacs, y'a l'air, Maxi, 2007. Vu que je sors un Maxi à 4 musiques, y'a 16 Stromae, ouais, je suis yo. Le rap, c'est simple et j'ai pas ce qu'il faut. Ça te gêne que je vienne faire ma promo en scène. C'est Stromae. Stromae. Tiens, tiens. Tiens. Bah ouais, c'est Stromae. Juste un cerveau, un flow, un fond et un mic. C'est Stromae, cousin. Juste un ordi, un beat, un big et un mic. C'est Stromae. C'est qui? Juste un cerveau, un flow, un fond et un mic. C'est Stromae. Bah ouais, c'est moi, cousin. C'est Stromae. 20, laque, je lâche tout, crache tout partout pour qu'un disque grimpe. Et donc shot, et choc avec un flow qui te fonce dans le fond, qui te chope. Deux pères inconnus, je veux me faire connaître. Donc juste de l'entre, mais pas juste pour te mettre des coups de coude. Mais pour que tout sache que le mixage font et force qu'on te compte tout. Mes mots de classe. Alors je précise pour nos éditeurs habitués à autre chose dans notre émission, mais là c'est intéressant de voir ce que pouvait créer Stromae à ses débuts, et donc l'inspiration venait de Booba. Alors je vous laisse en sa compagnie quelques instants également, écoutez plutôt ce qui suit. J'ai abrégé les études pour sortir des disques. J'ai vite appris le 8ème art dans les rangs du béton armé. Truc de ouf, pas toujours aisé, rude, mal frappe par habitude. Docteur, je fais une fausse couche parce que la rue m'a baisé. Si on assure, à l'aise, 92, trop à l'aise. Cause, hâte avant que les Schmitt viennent à la rescousse. Brave, je défrais la chronique. Tant que je serai dans la street, le move sera grave. Cocu, Brigitte sera dans la cave. Eh, hey, Bellex, c'est du haut de gamme, pas d'amalgame. Gamin, on se ramène sur Neptune, mon amertume. Mon chromène, combat la race humaine. Si tu t'en tires avec des prothèses, c'est que Dieu te protège. Et si un jour on m'entend plus sur le disque, ce sera à cause de ceux qui sucent, trahissent juste pour le pif. Tu parles de femmes, de voitures, de bises et tout. Mais tes royalties, 5 ou 6 royalties, c'est tout. Tu veux pas contrôler ma destinée. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Tu peux pas imiter, sois pas dégoûté. N'aie pas la haine, n'aie pas la haine. Alors, vous m'empêchez d'exercer, me faire passer. fait les pinces, rouge chanson mes versets. Des nègres ont des chattes et des ins. Comment ça, je perds Joe Star dans les journaux. Coupable, voilà les titres, 22 voilà les stars, 9 de voilà l'équipe, je t'explique. La scène qui veut ma peau perdra la sienne. Oh, froissons les repas dans nos assiettes. Allo CP2O, encore un chien de chienne. Les hyènes ressentent la tumeur et moi je suis d'humeur palestinienne. Fadjet. Coup de cœur. À Nancy sur 94.2. Alors, je vous rappelle, on revient sur notre coup de cœur du jour. C'est Stromae. Et ce qu'on vient d'écouter, c'est un petit peu ses premières inspirations. On est en 2008. Il compose le single Cette fois, interprété, C-E-2-T-E, hein, cette fois interprété par Melissa M. Et réalise quatre compositions sur l'album du À l'ombre du show business de Kerry James, ainsi que la chanson Si je t'emmène de Angoon sur son album Élévation. Il collabore également à des chansons avec des artistes de sa ville, tels que Accro du groupe Starflame. Parallèlement, il diffuse des vidéos sur Internet. En 2009, il effectue un stage chez Energy à Bruxelles et il crée en parallèle sa propre entreprise de production musicale qui s'appelle Mozaert, M-O-S-A-E-R-T, anagramme de Stromae. Tout ça en 2010, et il signe également avec la maison de disques Universal pour la promotion et la distribution. Stromae sort deux premiers singles, dont « À l'heure on danse », une introduction à son premier album qui s'appelle « She's », sorti en 2010. Il a révélé lors d'une interview que le nom de ce premier album était une référence au sourire sur les photographies de classe. Pourquoi pas ? En quelques semaines, le succès de « Alors on danse » s'étend à d'autres pays d'Europe et le titre se classe notamment en tête des ventes en France, en Allemagne, en Belgique, en Suisse ainsi qu'au Québec. En avril de cette même année 2010, à l'occasion du Energy Music Tour, Stromae reçoit des mains de la ministre de la Culture de la Communauté française de Belgique le premier Award Energy de la révélation musicale belge francophone de 2009. C'est en décembre 2010 que Stromae donne ses premiers véritables concerts en France et notamment aux rencontres transmusicales de Rennes. Le 9 février 2011, il reçoit une victoire dans la catégorie album de musiques électroniques, dance, pour son album She's aux victoires de la musique. Et en juin de cette même année, il fait la première partie des deux concerts du groupe Black Eyed Peas au Stade de France. Beaucoup de grandes références quand même. On écoute ce titre magique « Alors on danse », puis « Angoon, si je t'emmène ». Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Qui dit études dit travail. Qui dit taf te dit les thunes. Qui dit argent dit dépenses. Qui dit crédit dit créance. Qui dit dette te dit huissier. Et lui dit assis dans la merde. Qui dit amour dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise. Et dit monde, et dit famine, et dit tiers-monde. Et qui dit fatigue, dit réveil. Encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et c'est la zik ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors. Eh ben y'en a encore. Eh ben y'en a encore. Nos coups de cœur, on ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle que notre émission est consacrée aujourd'hui à Stromae. Alors ce dernier annonce en octobre 2011 que son prochain album, qui n'est alors qu'une ébauche, aura des influences afro, des percussions lourdes, des sons cubains, ou rumba congolaise plus assumées. Sorti de Papayou, qu'on a écouté en tout début de programme, premier single de ce second album en mai 2013. C'est pour vous situer l'époque à laquelle les étapes de sa carrière ont bien eu lieu. Pour ce nouvel opus, Stromae enregistre un trio, notamment avec Aurel San et Maître Gims. Le 22 mai 2013,

sans prendre le temps de s'arrêter. Dernier cri, premier arrivé. Aurons-nous de l'eau cet été? Tout le monde cherche à s'échapper. S'arrêter si l'on nageait sans respirer. Aurons-nous de l'air cet été? Tout le monde cherche à s'échapper. Allez, je vous invite à continuer de parcourir la carrière de Stromae, puisque c'est notre coup de cœur aujourd'hui. Et en septembre 2014, il annonce qu'il décide de suspendre sa carrière musicale. Alors, je le cite, « Je pense que le succès du deuxième album a été si important que je vais prendre du temps pour retrouver une vie normale, être normal et m'en aller pendant 2 ou 3 ou même 4 ans avant d'en faire un autre. Je ne sais pas. Avant de rajouter, je veux retrouver une vie normale. » Donc, c'était vraiment autour de cette normalité qu'il avait perdue avec la célébrité, qu'il a voulu vraiment marquer le coup. Et en septembre 2014, donc à part les disques, il commence quand même une tournée américaine. Stromae fait différentes escales aux États-Unis, au Canada. Dès avril 2015, il continue sa tournée en Amérique, États-Unis, Brésil, Canada, ainsi qu'en Asie et en Afrique. Il est le premier Belge à se produire au Madison Square Garden à New York. Sa tournée Racine Carré Tour totalise, écoutez bien, près de 200 dates à travers le monde et attire plus d'1 million de spectateurs. En décembre 2016, il annonce vouloir prendre une pause dans sa carrière. Donc ça correspond bien à ses dires des 2 années précédentes. Il souhaite ainsi rester un peu plus dans l'ombre et se consacrer à son label Mozart, qu'il a fondé avec son frère et directeur artistique Luc Junior Tam. On le retrouve dans toutes les mêmes et puis on va continuer avec un artiste belge qui nous a quittés. On a écouté il y a quelques semaines un duo qui a été réalisé avec Mireille Mathieu. Il s'agit du chanteur Arnaud, Les Filles du bord de mer. Ça va vous rappeler quelque chose, terre d'Adamo quand même. Stromae pour l'instant. Nous les hommes et tous les mêmes. Macho mais tu prends de ma vie est infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certaine. Que tu le mérites, avez de la chance que vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère.

Lui pardonnant cette manie, je lui proposais de partager ma vie. Mais dès que revint l'été, je commençais à m'inquiéter. Car sur les bords de la mer du Nord, elle se remit à faire du sport. Je tolérais ce violon dingue, sinon elle devenait malingre. Et un beau jour, j'en ai eu marre, c'était pique la mer à boire. Je le reflis en gigolo et j'ai nagé vers d'autres eaux. En douceur, en douceur. Un titre complètement revisité par le chanteur belge Arnaud, Les filles du bord de mer, hein, vous l'avez bien connu, par Salvatore Adamo. Alors on revient à la carrière de Stromae. En 2016, toujours, il annonce que son absence est due à un burn-out. Cependant, il continue de produire de la musique pour différents artistes comme Dizzy Zapest, Oreslan, Vita. Et dans le deuxième album de Big Flo et Oli, là, qui s'appelle La Vraie Vie, il participe à la composition du morceau qui est un grand succès, Dommage, que l'on va écouter juste après. Donc après 2 ans et demi sans être retourné sur scène, il crée à nouveau la surprise en mars 2018 en apparaissant dans un concert d'Oreslan à Bruxelles pour chanter La Pluie. Début avril 2018, il présente au Bon Marché à Paris la 5e capsule de Mozart, une chanson inédite défilée et composée et interprétée donc par Stromae. En 2019, il apparaît sur un morceau intitulé Arabesque, enregistré par le groupe britannique Coldplay pour leur 8e album. Il interprétera le morceau avec ce groupe en direct sur Internet depuis la citadelle d'Amman en Jordanie. Le 15 octobre 2021, Stromae dévoile son nouveau single intitulé Santé. Dans ce titre, le chanteur parle des travailleurs de l'ombre et invite à les célébrer en levant un verre à leur santé. En décembre de cette même année, le titre de l'album, le 3e album, est dévoilé. Il s'appellera Multitude, ainsi que sa date de sortie en mars 2022. Un disque qui paraît près de 9 ans après son succès colossal de Racine Carrée, qui a été écoulé à 7 millions d'exemplaires depuis sa parution, il faut le savoir. En janvier 2022, on découvre un deuxième single issu de l'album, le titre c'est L'Enfer, et il l'interprète en direct durant le journal télévisé de 20h sur TF1. Il faut savoir qu'entre fin 2021 et début 2022, Stromae est le second artiste le plus diffusé sur les radios francophones belges, derrière Angèle et devant Lost Frequency. On le retrouve avec le groupe Coldplay et puis ensuite Big Flo et Oli. C'est toujours du Stromae.

Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas. Avec son album Multitude, le dernier en date, Stromae est remonté sur scène en 2022, une première depuis 7 ans. Vainqueur de la victoire de la musique de l'artiste masculin, il a fait une jolie déclaration, hein, il y a quelque temps, une déclaration d'amour sur scène à sa femme Coralie, après que les tourtereaux ont partagé un tendre baiser à l'annonce de sa victoire le vendredi 10 février. Il a commencé également par remercier son directeur artistique, l'accompagnant depuis 20 ans maintenant, Luc Van Aver, qui se trouve aussi être son frère. Alors, bonne nouvelle pour les fans de Stromae, l'artiste belge a annoncé 4 dates de concerts supplémentaires dans le cadre de sa tournée Multitour, dont une à Paris le 3 décembre 2023 à la Défense Arena. Il s'agit du 4e show de Stromae prévu dans cette salle, dont la capacité approche les 40 000 places. Ce nouveau spectacle vient s'ajouter au concert des 16 et 17 juin 2023 et celui du 2 décembre, annoncé en octobre dernier. Pour info, Marseille ce soir, le 9 mars, demain Bruxelles, les 15 et 16 mars Amnéville, les 23 et 24 mars et Amsterdam les 13 et 14 avril prochains. On se quitte avec Stromae en live. Santé, c'est le dernier titre que nous écouterons aujourd'hui. À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa. Quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas, pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Manière. Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite. Elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frottez, frottez, mieux vaut ne pas si frottez. Frotter, si tu ne me connais pas, brosser, brosser, tu pourras toujours te brosser, brosser, si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin, pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations. C'en est fini pour ce coup de cœur Stromae. La semaine prochaine, un style tout à fait différent, une très grande artiste, puisque nous consacrerons notre émission à Linda Lemay. Allez, je vous abandonne, mais vous êtes en restant en bonne compagnie sur l'antenne de Fadjet pour la suite de nos programmes. Je vous donne rendez-vous donc jeudi prochain à 17h. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente semaine. Bye bye.